Les Américains ne veulent plus de la France dans le Sahel. La France a perdu son pari. La France a perdu sa prestance. La France, on l'a, ça y est, on l'a bien vu, et les Africains n'en veulent plus. Donc les Américains veulent remplacer, et ils sont en train de remplacer la France. C'est eux-mêmes qui remplacent la France pour la simple raison que la nature n'aime pas le vide. Et puis, il ne faut pas laisser toute la place aux Russes. Là où il y a les Russes, il y a les Américains. Là où il y a les Américains, il y a les Russes. Et maintenant, il y a les Chinois qui sont au milieu. Et les Chinois, ça y est, c'est fini. Ils sont alliés aux Russes. Afrique Média, le monde, c'est nous.